Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul et en ligne sur KFAI.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis Saint-Paul and streaming at KFAI.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir les copains, bonsoir Freddy, bonsoir Adrien. Et bonsoir Romain. And we have a full house. Yes. Indeed. Yes, it's busy in here. Not that too much. Busy. Adrien, so busy in here. Yep. But at least we have the Three Musketeers. That's right. Have you guys seen it? No, the new one? Yes, I have. Have you? Mm-hmm. I think it's on France Channel. And Canopy. And Canopy? I think. Ah, oui, I think I saw it too. Yeah. Or maybe not Canopy, it could, yes, or Amazon, I don't Prime? Think Amazon, yeah, maybe. I don't think it's on Prime. No product placement. Yeah, we don't. What do you think about the movie? You liked it? I didn't see it. Ah. Yet. Okay. I know that he's playing in places, but I just plus the second one came out not so long ago, Milady. Yeah. Mm-hmm. Very well. Well, we're in rainy Minneapolis here. Indeed. And but it's warm at least. Kind of warm, not so warm in the studio, but that's okay. I mean, the temperature is going to go up. It's getting up there. Yeah. With all the songs that we're going to play, it's going to be, the heat's going to... That's it. Rise. La salsa du démon. Oh là là. No, I didn't plan any like songs, like summery songs or things like that. No, mais salsa du démon is not a summery song. No, it's not. But still, I didn't plan any anyway. Today, I planned the playlist that I was planning for the beginning of the month on April 2nd, because April 2nd is just after April Fool. And I thought I was going to play some funny songs. And then we get Suzanne Smolarski from M. Spief, and we changed the theme to make a movie, a cinema mm-hmm. theme. So, but that was not on the 2nd. No, it was on the 9th. Mm-hmm. What did we play on the 2nd? I don't know. I don't remember right now. It's kind of, yeah. Anyway, we didn't play the funny songs, that's for nope. sure. Mm-hmm. So it's for tonight. So... It's only funny songs. Funny. Sketch up, funny, comedy. Yeah, right? Les Charlots, very light. There's going to be songs about farts and things like that. So, yeah. Okay. Yeah, that's... Some may say that sounds French. Yeah. Farts are very international. I mean... They're very Disney, too, if you know. Are they? Oh, yeah. Pepe Le Pew. Well, that's true. But he's French, too. I mean, if that's the right. only reference that you have for Disney, I mean, that's kind of an old one. You know, you got to document yourself. You got to document yourself, Romain. Okay. That's true. All right. Well, we're going to talk a little bit about the M. Spief a little bit later, too, mm-hmm. and a little bit about soccer, because tomorrow is the first leg of the Champions League for the semifinals. Ah. And Paris is going to play... Dortmund. There we go. So beat the Germans. Yes. Always ready so for it. So is it going to be the Saudis versus the Germans tomorrow? Or I don't Saturday, know. Rather? I don't know that the Germans finance their club. Yeah. Do they own their own clubs there? I have no idea who owns it, but I don't know that. We'll see. But, you know, we have a chance. I mean, like, I think we have a shot at winning against Dortmund. But the other semifinal is right. Real Madrid against Bayern Munich. Ooh. So we might have a double with two German teams. Double so we'll see. German. Today was the first leg of Real Madrid against Munich, Bayern Munich. Yeah. And so we'll see how it goes. The return. Yeah. And next week, so on Tuesday... is going to be swapping. So next Tuesday is going to be the Paris Dortmund, the second leg, and on Wednesday it's going to be the second leg for Bayern Real. So yeah, All right. Well, we shall see. What? So tonight you're very outfitted, French. Well, you have two different. You have le coq français with blue, white, and red, and you have on your hat a little cocarde. Yeah. Blue, white, and red. But I always have it. Oh, okay, it's just yeah. And we all always have it. Just in our heart. Yeah, right. You sound like the guy who doesn't buy cards for birthday and anniversary to his wife. You're in my heart. Always. Yeah. Yes. And I was at the MSPIF at Prague now, and the lady is originally from Bulgaria, and she said that they call it a cocarde too. Huh. She said, like, we call it a cocard as well. Hey, here we go. It must be from the French. You know, it's like the Greeks when they tell you, yeah, that word is Greek. It comes from like 3000 BC, you know. It's true, too. So we're going to start with three songs, uplifting. The first one is from Carlos. So Carlos was a big guy from the 60s, and he was 70s and 80s. Yeah, he started in the 60s. Mm-hmm. He was first an assistant of Johnny Hallyday. Yeah. Was Did you he? Know that? Mm-hmm. Yeah. Huh. And his mom is an extremely famous child psychologist. Oh, I didn't know that. Françoise Dolto. Oh, you mentioned her. Yeah, and a lot of the methodologies that they use in schools today and how to raise your child, and that comes from Françoise Dolto. And don't she's, beat him Carlos's, and don't beat your child. And yeah. So that's why Carlos turned out like that? Yes. Poor kid. He didn't get enough. No. So which song by Carlos? It's going to be Big Bisou. Ah bah oui. Because bah voilà. He needed more kisses. Yeah. Big Bisou is big Where kisses. Where were you, mommy? Yeah. It's because he was censored during the COVID. So just for that, it's worth putting it. Then we're going to listen to All the Laugh. Oh, with Le Café? No. Ah. Saint-Michel. Ah, Saint-Michel. Okay. That's a very good one, too. Le Café, I thought it was good, but I knew it, and we played it. Yeah. So Saint-Michel, we didn't. And he's talking about Laugh. He's talking about a guy that's a total loser, and it's Who's very funny. Michel? Yeah. Oh, hey, yay. Yeah, and he's meeting another Michel. Oh, yeah, see? Michel with two L's and an E. Yeah. Because in French, Michel with just an L at the end is masculine, and two L and an E is feminine. Or E with an accent, L-E, can be also feminine. Yeah. Yes. Yeah. Well, I didn't explore all the possibilities. Oh, okay. No. Just like... Just but you have one. To be, you know, exhaustive. No, I don't have to be that comprehensive. Okay. And then Patrick Sébastien with Les Sardines. Ah. So I think we heard him like probably at New Year because it's a very festive song. Yes. But it's also a funny one because Les Sardines are the sardines and, you know, they're all like very, in a box and that makes very us, tightly, you know, it's very tight indeed. And there is a play on words because they're in a, they're like, so sardines are in a tin and they're all, you know, like squished. Yeah. And, or like sardines in a box or in a tin, that boîte is also a nightclub. Yeah, you know, right. And in nightclubs, typically, you're like very packed. And now you understood at that moment that Patrick Sébastien was being played in nightclubs in France. And you're like, oh, okay. Oh, wow. Oh, wow. I didn't go very often to nightclubs anyway, so I couldn't know. All right, on y va? C'est parti, mon petit Kiki. Yes. On va danser le Big Bisou. Big Bisou en anglais, ça veut dire gros baiser. Quand je vous le dirai, donnez-vous un baiser moelleux à l'endroit que je vous indiquerai. Nos grands-pères et nos grands-mères faisaient tellement de manières qu'ils mettaient parfois jusqu'à 100 ans pour s'embrasser. C'est un souvenir du joli temps passé. Passé. Ancien, noble et tout, attention sur la main, embrassez-vous. près, de plus près, sur la joue. Attention, sur la joue, embrassez-vous. Les parents de nos parents étaient quelquefois marrants. Ils pensaient que les bébés, ça vient en s'embrassant. C'est un souvenir du joli temps d'avant. Et maintenant, on s'en fout. Hardy, le bibi, dans le cou. Attention, dans le cou. Embrassez-vous. Attention sur le nez, embrassez-vous. Stop, les bisous, les bisous. Les timides et les maladroits n'osent pas faire le premier pas. Méfiez-vous plus bien les défendez quand on fait la danse du bisous. Émotion, grand frisson sur la bouche. Attention sur la bouche, embrassez-vous. Saint-Michel, il rentre quand même par la porte des poubelles. Flash! Saint-Michel,

Et voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà où. Bonjour, Minnesota. We're back and you're still listening, as Adrien said. Bonjour, Minnesota, on KFI Radio. And we just listened to three songs in our funny song series. Exactly. We did listen to Carlos with Big Bisou, or Big Kisses. That was the first one. Then All the Laugh with Saint Michel. And he has a very funny song about the coffee also, which we'll play sometime, mm-hmm. about the fact that he's drinking too much. And the video is really funny too. And Patrick Sébastien with Les Sardines, en boîte. En boîte de nuit ou en boîte en fer. Tout court. Exactly. So tonight is a special night because we play funny songs. I guess I say that each week, that it's a special night, but each week is different, though. Thank you again for those who gave us money. Mm-hmm. Keep on giving if you can, and it's really appreciated. The show started like in the early 80s, and one of the long-lasting show hosts were both Georgette and Caril, along with Louise. To help, and then came Dana and Olaf when Georgette passed away, and then I showed up, and then the guy showed up, and mm-hmm. volunteered. Yeah, and we all volunteer. Volunteering. Yeah, it's very nice. Thank you. I mean, we like it, and we play music from France and elsewhere as long as it's in French, and. So thank you again. And we even play Patrick Sébastien. Yes. Yeah, that's that says a lot about la référence, la grande référence. Mm-hmm. Ah bah oui. Yeah. Well, we're going to play three more funny songs. The first one is from Les Charlots. Les Charlots, I've read and I should read that again to make sure, but that they were the backup band of the Aphrodite Childs at first. Oh, really? Like in the early 60s. Yeah. But and Aphrodite Child, that was Demis Roussos' band, yeah. And Vangelis. Oh yes, mm-hmm. yeah. Yeah, the Greek connections. Mm-hmm. but Les Charlots for us, I mean, especially being from the 80s, that was like slapstick movies and yeah. funny songs. And 70s, and, I mean, I think there were yeah, the 70s, Les Charlots 80s. Movies was, yeah. Yeah, you think? Yeah, mm-hmm. And Les Charlots and Les Bidas en Folie. And, yeah. Mm-hmm. And this one is a recent album, and it's called Y'a pas d'âge pour. Mm-hmm. You know, there's no age for doing something, which is, I mean, they were four, and one of them passed away like a couple of years ago, 2-3 years. And so I think, like, well, maybe that's Gérard Rinaldi? No. No, it was Le Grand Blond. Well, but Gérard Rinaldi, when did he pass away? I don't think he's dead. Oh, yeah. Gérard Rinaldi passed away at least 5 years ago. Okay. Yeah, so they're all dead. So they could not have released No, album. They are not all dead. No, but most of them. We'll look. Anyway, so the funny song is called Quand t'as des gaz. So when you have gas, when you're gassy. So that's a funny song. And then we're going to listen to Bobby Lapointe, which was very famous for a while. And then Netflix came up with the hookup plan, mm-hmm. or le plan cœur. Which is silly because hookup plan in English should be translated as le plan cul, not cœur, but, you know, I mean, like in French, it's the heart plan or the plan of heart. But it's because it starts as a plan cul, yeah, I mean, then they fall in love and so it becomes like a, you know, plan cœur. And our listeners don't see me, but I'm doing a heart with my fingers, like at Taylor Swift concerts. Oh, I thought they do that. Some of the people do that after like scoring a goal. Oh yeah, I do that too. Mm-hmm. You do that too? After I score a goal, but okay, we'll talk about what in your goal. Dreams. Yeah, we won't talk about it. But with this series, the hookup plan. Bobby Lapointe with the song Takati Takite, which is your Katie left you. Mm-hmm. But it doesn't rhyme the same way in English. Just became very popular again. Alliteration, Takati Takite. Yes. Mm-hmm. And then we're going to listen to DJ Super, which is He's a kind of like, he's full of himself and he's making like funny song and he says like he's anti-establishment and mm-hmm. he doesn't give a hoot about anything. And the song he was going to sing is Y'en a marre des pauvres. Ah, We're oui. tired of poor people. Mm-hmm. And it's a lot of nonsense. It's really not like it's satiristic, but it's really in a nonsense way. And if you just joined us, welcome on Bonjour Minnesota on Tuesday night. Yeah. This is a comedy, funny kind of songs yeah. tonight. So if you understand the lyrics, don't be alarmed. No. If you don't, just jump up and down. Yeah. Mm-hmm. All right, on y va? C'est parti. C'est parti. Cheers. Quand t'as des gaz, t'es ballonné, et quand faut t'es pressurisé. Quand t'as des gaz, t'es ballonné, et seul un prout pourra t'aider. La flatulence honnête qu'on fait tout seul dans ses toilettes. Le vent nauséabond où l'atmosphère vire au poison. La caisse de camionneur qui transporte son et odeur. Le baie de Damoclès où l'eau dans le gaz resserre les fesses. Le soupir de pétard qui vient du fin fond d'un trou noir. Le tonnerre de Trauduc explosant comme un gazoduc. Et le prout-prout cadet qu'on fait à cheval sur son bidet. Quand t'as des gaz, t'es ballonné, et quand faut dépressurisé. Quand t'as des gaz, t'es ballonné, et seul un prout pourra t'aider. Le vent gargantuesque donnant le menu et ses restes. Le déchiré de couette jetant le câlin aux oubliettes. Les pédnones en chapelet qui partent en cœur des clochers. La rafale du tueur dans le trou de balle ressort vainqueur. La grenade comme manif qui te pique les yeux et le pif. La fuite de Chavignol, parfum crottin et paire de grolle. Et le prout percussif qui fait des trous dans les calcifs. Quand t'as des gaz, t'es ballonné, et comme faut dépressurisé. Quand t'as des gaz, t'es ballonné, et seul un prout pourra t'aider. Le mythique Pégase reliant sa lune à nous plein gaz. Le vent venu des nues pour ceux qui pètent plus haut que leur cul. La perle de baignoire dans la bulle coince un peu plus tard. Le sanglot de Jouvelu qui amortit le fessier charnu. Le coup du père fouettard qui fouette du matin au soir. Le pétolitruant qui cogne et pète les tympans. Et l'obus de Calbar, l'opposé du suppositoire. Jeannot. Oui. Moi je la sens bien cette chanson. Eh ben justement Jean-Guy, ouvre la fenêtre pour respirer un peu. Quand t'as des gaz, t'es ballonné, et quand faut dépressurisé. Quand t'as des gaz, t'es ballonné, et seul un prout pourra t'aider. Ce soir au bar de la gare, Igor Agar est noir, il n'arrête guère de boire. Car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter. Sa Katia l'a quitté, il a fait chou blanc ce grand duc. Avec ses trucs, ses astuces, ses ruses de russe blanc. Ma tactique était top, dit Igor qui s'endort ivre mort au comptoir du bar. Un russe blanc qui est noir, quel bizarre hasard se marre. L'effet tard paillard du bar, car encore Igor il dort. Mais près de son oreille, merveille, un réveil vermeil lui prodigue des conseils pendant son sommeil. Tic-tac, tic-tac, tacati t'a quitté. Tic-tac, tic-tac, tacati t'a quitté. Tic-tac, tic-tac, t'es cocu, qu'attends-tu? Quitte-toi, t'es cocu, tac-tac-tac, quitté et quitté ton quartier. Tacati t'a quitté, ta tactique était toc. Ta tactique était toc, tacati t'a quitté. Haute ta toque et troc, ton tricot tout crotté et ta croûte au couteau. Contre tant attaqué, contre ta cocotée, quatre écus tout compté, et quitte ton quartier. Tacati t'a quitté, tacati t'a quitté, tacati t'a quitté, tacati t'a quitté. Tout à côté des catins, des catitas qui n'est un coquère, coquin, et des diques coquettes, tout en tricotant, caqueté, t'es discuté, t'es critiqué, t'en compte toqué, qui comptait tantiquant, tout un tas de tickets, de quais, quand tout à coup, tic-tac-tic. Au matin, qu'elle réveille, matin qu'elle réveille, matin, s'écrie le russe blanc de peur. Pour une sonnerie, c'est une belle sonnerie. Merde. Y'en a marre, marre des pauvres. Les pauvres ils font aucun effort pour devenir riches. Y'en a marre, marre des pauvres. Et quand ils jouent au loto, ils réfléchissent même pas à ce qu'ils cochent. Y'en a marre, marre des pauvres. Et puis c'est sûrement la faute des pauvres s'il y a de la misère. Marre des pauvres, marre des pauvres. Y'en a nanana. Y'en a marre des pauvres, oh oui. Marre des pauvres, marre des pauvres. Y'en a nanana. Y'en a marre des pauvres. Y'en a marre. Les pauvres quand ils travaillent, ils enrichissent les riches. Du coup faut pas qu'ils s'étonnent, bah s'ils sont toujours aussi pauvres. Marre des pauvres, marre des pauvres. Ils font chier, ils font chier, ils font chier. Ils sont maigres. Marre des pauvres, marre des pauvres. Ils font chier, ils font chier. Ils mangent encore plus mal que nous. Hey. Et tu peux taper dans tes mains. Ouais, en écoutant ton disque. Allez, vas-y, fais-le, ça va faire super. Plein, plein, plein, y'en a trop, y'en a plein. Plein, plein, plein, y'en a trop, y'en a plein. Plein, plein, plein, y'en a trop, y'en a plein. Plein, plein, plein, y'en a trop plein le cul. Y'en a marre, marre des pauvres. Et les pauvres, arrêtez de vous plaindre. Vous gâchez le bonheur des riches. Y'en a marre, marre des pauvres. Heureusement, les très très riches, tout le monde peut crever, ils s'en foutent. Y'en a marre, marre des pauvres. Et puis c'est facile de se plaindre quand on sait qu'on est la majorité. Marre des pauvres. Programming on KFAI is supported by Southside Pride Monthly Newspaper. Locally owned and operated, Southside Pride supports the racial and cultural diversity of the many neighborhoods that make up South Minneapolis. More information is available at southsidepride.com. Et voilà, we are back after three more funny songs that were catered by Freddie. Yes, indeed. I take full responsibility and I won't translate any of the lyrics. If you don't speak French, you can't complain. No. We listened to Les Charlots, so Quand t'as des gaz, When You're Gassy. Bobby Lapointe with Takati Takite. Mm-hmm. You Katie, you know, left you, and DJ Super with Y'en a marre des pauvres. We are tired of the poor. Are the first two connected? No. Okay, because that could be. You know, I mean, yeah, you she know, left you because she left you because you're gassy. Mm. Yeah, well, that could be. I don't know. I'm just trying to find, you know, connections between the. Leave your the synapse songs. Alone. I think your synapse is alone because I think it's not doing any much. Good. Yeah. Okay. Yeah, I think so. And so, yeah, it's a comedy, funny songs tonight, and we're going to keep on going. We have two songs from the late 60s with Nino Ferrer. So we're going to listen to Mirza. Ah oui, le petit chien. Yeah, he's looking for his dog and everywhere. And le téléphone. Yeah, Gaston, il y a le téléphone qui sonne. Mais il n'y a jamais personne qui répond. Exactement. And then we're going to listen to one song from Fernandel. Mm. And the first one we're going to listen to is Ignace for this this series. And it's about a first name. And, you know, he thinks that's a very nice first name when everybody kind of makes fun of him. So, all right. Now, that's good that you selected Fernandel because that's, you know, everybody remembers, you know, De Funès as an actor, Bourville, and but Fernandel is more like old-fashioned, I would say, even though that's really not true. Mm-hmm. But it did not get to the newer generation as De Funès and Bourville. Well, after that, the next series, we're going to have another one from Fernandel, Félicie, which is a funny one, too. Mm-hmm. And then we're going to have a Bourville with La Tactique du Gendarme. And a Borisian. So, très stay bien. Tuned. OK. On y va. Et ben, c'est parti. En avant, Guingamp. Ça fait longtemps. Vous avez pas vu Mirza? La la la la la. Vous avez pas vu Mirza? La la la la la. Vous avez pas vu Mirza? Oh la la la la la. Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Oh, ça y est, je le vois. Veux-tu venir ici? Je le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Sale bête, va. Veux-tu venir ici? Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Oh, ça y est, je le vois. C'est bien la dernière fois que je te cherche comme ça. Veux-tu venir ici? Je le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Oh, ah oui, te voilà. Veux-tu venir ici? Oh, et ne bouge pas. Veux-tu venir ici? Oh, satané Mirza. Jamais personne qui répond. Lorsque je suis né, mes parents étonnés firent tout d'abord un drôle de nez. Quand vint le docteur, j'appris avec stupeur que j'aurais pu être ma sœur. Quand on s'aperçut que j'avais quelque chose en plus, ils me baptisèrent alors tout ému. Ignace, Ignace, c'est un petit petit nom charmant. Ignace, Ignace, qui me vient tout droit de mes parents. Ignace, Ignace, il est beau et me va comme un gant. Moi je le trouve plein de grâce. Ignace, Ignace, je n'en crois pas, mais il me place. Ignace, c'est un nom charmant. Je pourrais, attention, m'appeler sans prétention machin chose ou bien Tartampion. On ne l'a pas voulu, mais je suis convaincu d'avoir un nom qui est rudement beau. Mais en vérité, je le dis sans me flatter, ça me fait une personnalité. Ignace, Ignace, c'est un petit petit nom charmant. Ignace, Ignace, qui me vient tout droit de mes parents. Ignace, Ignace, il est beau et me va comme un gant. Moi je le trouve plein de grâce. Ignace, Ignace, je m'en crois pas, mais il me place. Ignace, c'est un nom charmant. Je le trouve plein de grâce. Ignace, Ignace, je ne m'en crois pas, mais il me place. Ignace, c'est un nom charmant. Et voilà. You're still listening to Bonjour Mélissola on KFAI. Freddy, Adrien et Romain. Et c'est moi. And we listened to three more songs. Indeed. What did we listen to? Well, we had two songs from Nino Ferrer from the late 60s with Mirza and Le Téléphone. We had Nino Ferrer last week too, also with Le Cannabis. Ah oui. That's what he was singing. And then after that, like just now, it was Fernandel with Ignace. Yeah, last week we had a... You weren't there, you weren't here, but we had a special... I was traveling. We had a special 420. Oh. So, and all the shows are archived, so you can go back to KFAI for 2 weeks, kfai.org, go to the archives, or you can go to the show Bonjour Minnesota, or you can go to archive.org also. All the shows are there since 2012. I mean, not... I just put them like a couple of years ago, but the oldest show is from 2012. Nice. All right. We are 15 minutes away from 9 o'clock, so I'll wait a little bit and we'll talk about the events. And we're going to keep on playing music, so we're going to play another Fernandel. Mm-hmm. And this one is going to be Félicie aussi. Ah. And you can all sing the chorus. Oui. Because Fernandel, c'est something like, il y avait un homard, il avait du poil aux pattes, and everybody say, Félicie aussi. And the homard is the lobster, and he had hairy legs. So Félicie had hairy legs too, as well. According to Fernandel, I mean, we didn't check. And then we're going to listen to Bourville. Bourville was a very famous actor also, a lot of comic parts. And... we're going to listen to La Tactique du Gendarme. Mm-hmm. And then we're going to listen to Boris Vian with La Complainte du Progrès. Eh ben, monsieur, quel programme! C'est exactement ce que tu me le retires de la bouche. Ah ben, allons tout de suite au menu, voyons. On y va. C'est parti, mon Freddy. Félicie aussi. C'est dans un coin du bois de Boulogne que j'ai rencontré Félicie. Elle arrivait de la Bourgogne et moi j'arrivais en taxi. Je trouvais vite une occasion d'engager la conversation. Il faisait un temps superbe, je me suis assis sur l'herbe. Félicie aussi. Je pensais les arbres bourgeonnent et les gueules de loups boutonnent. Félicie aussi. Près de nous, sifflait un merle, la rosée faisait des perles. Félicie, oh si, un clocher sonnait tout proche, il avait une drôle de cloche. Félicie, oh si. À fin de cette heure, la petite chatte, je l'emmenais dîner chez Chartier. Comme elle est fine et délicate, elle prit un pied de cochon grillé. Et pendant qu'elle mangeait le sien, je lui fis du pied avec le mien. Je pris un homard sauce tomate, il avait du poil aux pattes. Félicie, oh si. Puis une sorte de plat aux nouilles, on aurait dit une andouille. Félicie, oh si. Je m'offris une giblotte, elle empaumait l'échalote. Félicie, oh si. Puis une poire et des gaufrettes, devant la poire et des blettes. Félicie, oh si. L'armand lui tournant la tête, elle murmura quand tu voudras. Alors j'emmenai ma conquête dans un hôtel tout près de là. C'était l'hôtel d'Abyssinie et du Calvados réunis. Je trouvais la chambre ordinaire, elle était pleine de poussière. Je me lavais les mains bien vite, le lavabo avait une fuite. Sous l'armoire, il y avait une cale, car elle était toute bancale. Félicie, on sait. Et des draps de toile molle me chatouillaient les guivoles. Félicie. Gendarme doit avoir de très bons pieds, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Il lui faut aussi de la sagacité, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Car ce qu'il doit avoir, et surtout, c'est de la tactique dans la pratique. Comme la montre à son tic-tac, le gendarme a sa tactique. Attendez un peu que je vous explique. La tactique du gendarme, c'est de bien observer sans se faire remarquer. La tactique du gendarme, c'est d'avoir avant tout les yeux en face des trous. Contravention, allez, allez, pas de discussion, allez, allez, exécution, allez, allez. Je connais le métier, la tactique du gendarme, c'est de verbaliser avec autorité. Il y a ceux qui n'ont pas de plaque à leur vélo, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Faut courir après tous les voleurs d'auto, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Les gens disent, oh les gendarmes, quand on a besoin d'eux, ils ne sont jamais là. Je réponds du tac au tac, car pensez, j'ai ma tactique. Attendez un peu que je vous explique. La tactique du gendarme, c'est d'être toujours là quand on ne l'attend pas. La tactique du gendarme, c'est d'être perspicace sous un petit air bonasse. Contravention, allez, allez, pas de discussion, allez, allez, exécution, allez, allez. Je connais le métier, la tactique du gendarme, c'est d'être constamment à cheval sur le règlement. Contravention, allez, allez, pas de discussion, allez, allez, exécution, allez, allez. Je connais le métier, la tactique du gendarme, c'est d'être constamment à cheval sur le règlement. Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteaux, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufres, un avion pour deux. Et nous serons heureux, autrefois s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant que voulez-vous, la vie est si chère, on dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah, Gudule, excuse-toi ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repasse limace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, aux chauves-savates, aux canons à patates, à les ventres tomates, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide, et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Eh bien, voilà. I feel like I always say the same thing. You're back. Indeed. After three songs, you're still listening to Bonjour Minnesota on KFI Radio, unless you just showed up, you know, like maybe you hopped on your car and started the stereo and you don't know you're in KFI. Now you do. And you're listening to Bonjour Minnesota, a show that started in the 80s and keep on going and about French culture in general. And we listened to funny songs tonight. So we just listened to Fernandel with Félicie aussi, Bourville, famous actor, with La Tactique du Gendarme. And just now was Boris Vian with La Complainte du Progrès. And this Boris Vian is more famous for the songs called Le Déserteur. Mm-hmm. How do you say deserteur? Deserter? Deserter, yeah. Mm-hmm. Soldiers who are... Deserts? Fleeing the conflict. Desert? Deserter? Well, whatever. No, desert is desert, what you eat for, you know, yes, at the end of the meal. It's different. So that would be deserter? Deserter for dessert. Yeah. Oh, no, there's a term for that. AWOL. Go ahead. Yeah, we'll look for it. Anyway, that song, Le Déserteur, was very famous in the 60s, but was very censored. Also, because that was the time of the General de Gaulle, who was censoring a lot of stuff. So, Deserter. So, from the 60s, that was his most famous song. La Complainte du Progrès, il y en a d'autres also that, there's also some other songs that are famous from him, but those are the most famous. But we're gonna keep on playing songs, and I'm gonna give you the list. Then we're gonna do the announcement, and we're gonna listen to three songs from Annie Cordy. And she was she started in the 50s and doing which I didn't really know. It's just like I dived in, you know, some of her older stuff that were less known. In the 50s, she was very grand comique and cabaret and theater show, but in the 80s she was very famous for the ones that are coming up. The first one is chaud cacao, hard cocoa. Chaud, chaud, chaud, chocolat. Yeah, that's coming up. Yeah, yeah, you can sing when you are flying. I will. Yeah, yeah. Yeah. It's not because you're volunteering that you can just take advantage of it. Really? And start singing and stuff. Yeah, but how am I going to, you know, make it in the music industry if, you know, producers don't hear me on the, you know, on the air? They don't listen to us. Oh, okay. Yeah. And even if they did, I think that's what you were going to say. You know, we didn't want to say. Yeah. They would turn off the radio. The second song from Annie Cordy was very famous. It was La Bonne du Curé. Ah oui. Je voudrais bien, mais je peux point. The priest is made. Yeah. Yeah. Otherwise, like in that song from Being Floel Oli, where he goes like, tombe la, tombe. Tombe la chemise. Non, c'est pas Big Flo et Oli, ça. Yes, it is. No. Well, it's Zebda, but Big Flo and Oli, in the song of Big Flo and Oli, that's what they do at the end of the song. And then he's like, brother, I think we got it. And he keeps going. And the last song is going to be Tata Yo-Yo. Yes. Auntie Yo-Yo. And it's just a funny name. All right, on y va. C'est parti. Dans cette terre-là, un, deux, trois, chaud. Écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul et en ligne sur KFAI.org. L'émission que vous écoutez, c'est encore et toujours Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612 341 0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis Saint-Paul and streaming at KFAI.org. The program you're listening to is Again and Forever, Bonjour Minnesota. KFAI is a community-powered, non-commercial radio. Radio without boundaries. bien, mais je peux bien. C'est point commode d'être à la mode quand on est bonne du curé. C'est pas facile d'avoir du style quand on est une fille comme moi. Entre la cure et les figures des grenouilles de bénitier, la vie est dure quand on aime rigoler. Mais quand le diable qui est à mon diable me tire par les pieds, et ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Je fais des bêtises derrière l'église, je veux pas m'en empêcher. Dieu me pardonne, je suis la bonne du curé. Et je voudrais bien, mais je veux pas. Je voudrais mettre une mini jupette et un corsage à trou trou, mais il paraît que pour faire la quête ça ne se fait pas du tout. Quand je veux faire un brin de causette avec les gars du pays, je file en cachette derrière la sacristie. Mais quand le diable qui est un beau diable me tire par les pieds, et ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Je fais des bêtises derrière l'église, je peux pas me l'empêcher. Dieu me pardonne, je suis la bonne du curé. Et je voudrais toujours bien, mais je peux toujours voir. Quand c'est la fête, j'en perds la tête, je voudrais m'aller danser. Je voudrais monter en motocyclette pour me promener dans les bouées. Et qu'un beau gars me compte fleurette avec des disques à succès. Car les cantiques, ça ne vaut pas Claude François. Mais quand le diable qui est un beau diable me tire par les pieds, ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Je fais des bêtises derrière l'église, je peux pas m'en empêcher. Dieu me pardonne, je suis la bonne du curé. Et voilà, voilà. Yes, quelle énergie. Again. Oui. We're back. That's right. And you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI. There's no reason why it should change. No reason. I mean, it will in 53 minutes. But right now, we are still listening to Bonjour Minnesota. Exactly. And so what did we listen to, Freddie? We had the privilege to introduce you to Annie Cordy, if you didn't know her. But if Annie you've been Cordy. In France, you probably know Annie Cordy. Ah, oui. Okay. And we had three songs. We had Chaud Cacao, Hot Cocoa, then La Bonne du Curé, The Priest Maid, and Tata Yoyo. Parfait. Just now. Yeah. Les grands classiques. Les grands classiques. So the kind of music we used to listen when we were kids too, because they were that was very uplifting, and it's not necessarily kid songs, because you could listen to it like during weddings and parties and stuff. But it was kind of an era where it would cross over. Yeah, it was fun. Like I don't know. I mean, I was often going to my cousin's communions. You know, like first communions and stuff, and so it was the kind of music that was playing often. Mm-hmm. Now we're going to talk about the events a little bit. Oui. So on Sunday at 2 p.m., there's going to be May 5th. There's going to be the Petit Café in Rochester. It's 1811 2nd Street Southwest in Rochester. And it's between 2 p.m. and 3:30. So if you want any details, you can either go on Facebook, either the Alliance Française, because they are the one organizing, or our Facebook page. It's at Aki Café? Yeah, it's a very cool coffee shop. Café Aki? Yeah, à moi. C'est le leur. Ah oui, c'est vrai. It's in the middle of like a greenhouse. Yeah, nice. Yeah, really cool. I haven't gone to Rochester very often. I think I went only twice. Ah, but that's okay. You know, it doesn't make you a bad person. No, I think so. And you can get details at afmsp.org. Then the same weekend, there's a petit déj on the 4th, because it's on a Saturday. It's always the first Saturday of the month, and it's between 9:30 and 11:30. And it's a French conversation group at the Alliance Française. And there's coffee and bread, and there's a coffee shop too. And so it's fun. It's very casual, and all the levels are welcome. And there are a lot of people. Like, yeah. It's really nice. Yeah. Can always find a fit, like go at a table, sit down, introduce yourself, and then it's rolling. Then this Saturday at 2 p.m., there's going to be Les Étoiles du Nord, Heritage Speakers Program Information Session. And it's also organized by the Alliance Française. So it's, I didn't say before, but it's 227 Koufax Avenue North in Minneapolis. And it's for the young francophone from Minnesota, you know, to connect with their peers and get better in French and, you know, discover their French or francophone identity. You know, there's going to be some atelier éducatif, artistic, I mean, some art, music, games, you know. I mean, it's between 10 and it's recommended between 10 and 18, and regardless of people's origin. I mean, that's why they say francophone is like, doesn't have to be from France. Mm-hmm. And so more specific at afmsp.org. Then on Tuesday, May 7th, I talked about it a little bit last week, from 6 to 7:30, there's going to be an event called the Huguenot, from Geneva to Hancock. And it's going to happen in Stillwater, and it's organized by the French American Heritage Foundation. They're sponsoring it, and it's at the Washington County Heritage Center. And Neil Simonson will give a presentation about the Huguenot from Geneva to Hancock. And that should be interesting. Yeah. Except that it's during our show, so I can't. Not quite. I mean, it's and at 7:30, so you can always put on the radio after that. Mm-hmm. And on Wednesday, the 8th, it's going to be from 6 to 10, there's May We, May We, Folks at Jazz, and it's the 15th annual gala benefit of the Alliance Française. It's at the Town and Country Club at 300 Mississippi River Boulevard, and it's for the benefit, the gala benefit of the Alliance Française. So that should be nice if you can afford it, and, you know, if you can go and support the Alliance Française. they will appreciate it. The same night, you may have to make a choice. There's Les Navigateurs de la Littérature. This one is between 7 and 8 p.m., still by the AFMSP.org or the Alliance Française Minneapolis Saint-Paul, and it's an online event. So there's no cost, but it's a book club, so they're going to talk about a French book. And there's different levels and that sort of things. For the month of May, they'll be discussing the novel L'Usure du Monde, Une traversée de l'Iran, from 2023. It's by the French author François-Henri Désérable. Hey, who was at the Alliance in November. That's what they say, exactly, mm-hmm. Yeah. Yeah. He stopped by, so yeah. That must have been very nice. And so you can go again to afmsp.org and get connected and see, you know, what's needed. There's no cost associated that I can tell. All right. Thank you. And we're going to keep on playing funny songs. Mm-hmm, please. So what's coming? We have two songs from Richard Gauthier. Oh. And it was funny. No. Ah. No, there's too many bad words. Oh, yeah. Mm-hmm. Oui. He had like very round and thick glasses that made him like funny looking. He still does. Yeah. I think he's a little bit older. He's not as funny looking as he used to. Well, yeah. I don't know. I haven't seen him for a while. His parents used to live like 10 minutes away from my house. Oh, yeah. Interesting. So we're going to listen to Le Sampa. Ah, le sympa, c'est sympa, mais on ne sait pas les pas. Exactly. Mm-hmm. So it's a lot about pas. Yeah. Like a pas de chat. I loved that song when I was like 9. Yeah, mm-hmm. I'm not surprised. Yeah. And well, is that sarcasm? No. Okay. No, it was not. So obviously you have some guilt hidden. Maybe you should talk now to a therapist. Now we know that you don't know the steps to the sampa. Maybe you should talk to your therapist about it. Yeah. And the second one is Le Yuki, and it's about a little dog. Yeah. And, oh, Yuki, you know. Yeah. Ah, c'est qui, le Yuki du Kiki? Yuki, yeah, that's actually my neighbor's dog's called Yuki. Maybe that's him. No, that's her, dog. Actually. That's her. She's that dog. Okay. And the third song we're going to listen to is from Jean Dujardin. And it's called de Brice. It's Yellow. Yeah, Yellow. Lucas de Brice. There we go. So from the movie he made. And mm-hmm. It was a funny movie. Well, it was. That was before his Oscar. Oh, yeah, Brice de Nice. Because right. In that movie, it's from Nice, and there's no waves in Nice. There's nothing, but he was pretending to be. He was playing being a surfer and having the attitude and stuff. But like in the jet set as well. Yeah. That was funny. All right, on y va? C'est parti. C'est plus Boogie Woogie, c'est moins joli. Le gentil Tiyuki, où il était le gentil Titoutou? Il était où, hein? Il était où? Où il était le gentil Tikiki? Et où il est le pépère au Wawa? Yuki s'est dit où c'est qu'est son pépère? Il était où, hein? Son papa, le bon pépère que son kiki préfère. Et sa mémère alors, et sa mémère, où elle est la mémère à sa nounouche? Elle était où, hein? Sa mémère, qui donne du Suzuki avec la boubouche. Il était où, hein? Le Yuki, il était où le gentil Titoutou? Il était où, hein? Le Yuki, le gentil Titoutou, il était où? Où ça, hein? Où ça? Où ça, hein? Où ça? Où c'est qu'il était son papi et son pépère? Où c'est Kéti? Où c'est qu'il était le Yuki, le gentil Kiki à mamie? Où ça, hein? Où ça? Où ça, hein? Où ça? Le bon chou Kikichou, il était là le plus beau des cookies. Il était là qui? Le beau poupou, le plus joli de tous les bonouki. Et c'est à qui tout ça? C'est à Kiki. À qui c'était les papas de poilu? Et la queue, hein? C'était à qui? C'est à Yuki la queue qui remue. Et le Yuki alors, il est à qui? À qui c'était le mignon choupignou? À qui c'était, hein? Le beau Yuki, à son papy ou bien à sa nounou? Il est à qui, hein? Le Kiki, il est à qui le gentil Titoutou? Il est à qui, hein? Le Yuki, le gentil Titoutou, à qui c'est qui? À qui, hein? À qui? À qui, hein? À qui? Si c'était pas à son papi, à son pépère, alors à qui? À qui il était le Yuki? Si c'était pas à sa mamie? À qui, hein? M'affiche ça. Veux-tu venir ici gros dégoûtant? Et pas bouger, assis debout couché. À son panier, oh le méchant. Va te coucher, son pépère est fâché. Kiki t'a vu pépère, est en colère. Le pépère a Yuki fait les gros yeux. Viens voir ici, viens voir sa mémère. Avec mémère on est pas malheureux. Le plus cucu, hein, c'était qui? Mais qui c'est idée de le plus neuneux? Le plus neuneux, hein, c'était qui? C'est qui le plus cucu des deux? Si c'était pas son papy le plus cucu, alors c'est qui le plus neuneux avec Yuki? C'est son papy ou sa mamie? C'est qui, hein? C'est qui? De toute façon, c'était pas le Yuki. Alors c'est qui? Et si c'était pas son papy le plus cucu, alors c'est qui le plus neuneux avec Yuki? C'est son papy ou sa mamie? C'est qui, hein? C'est qui? De toute façon, c'était pas le Yuki. Alors c'est qui? Et si c'était pas son papy le plus cucu, alors c'est qui le plus neuneux avec Yuki? C'est son papy ou sa mamie? C'est qui, hein? C'est qui? De toute façon, c'était pas le Yuki. Et si c'était pas son papy le plus cucu, alors c'est qui le plus neuneux avec Yuki? C'est son papy ou sa mamie? C'est qui, hein? C'est qui? De toute façon, c'était pas le Yuki. Alors c'est qui? Et si c'était pas son papy le plus cucu, alors c'est qui le plus neuneux avec Yuki? C'est son papy ou sa mamie? C'est qui, hein? C'est qui? De toute façon, c'était pas le Yuki. Ça va? Ouais! Ok, alors prêt pour la leçon de casse? C'est parti! Jambe gauche fléchie, droite tendue, comme si tu plissais dans un bocal. Tu pars du nord-ouest pour arriver au sud-est sans toucher la Corse. Et tu casses, et tu casses, et tu casses. Mais ça marche aussi à l'envers. Et tu casses, et tu casses, et tu casses. Variant, double, et tu casses, et tu casses, et tu casses. Parallèle, et tu casses, et tu casses, et tu casses. Et enfin pour casser en loose day, le baby casse. Et tu baby casses, tu baby casses, tu baby casses, tu baby casses. Aïe, yeah, tu sais casser. Rise the nice, déconnice. He can surf you through the night. He's so nice, give it twice. Le roi du n'importe quoi est... Ça te fait plaisir de me connaître ou pas? Franchement, franchement, franchement. Ouais. KFAI is proud to present Kieran Alualia at the Cedar Cultural Center on Saturday, May 11th. Two-time Juno and Songlines Award winner Kieran Alualia's open-hearted vocals have positioned her as one of global music's most compelling cross-pollinators, bringing together the disparate traditions of Indian music, West African blues, and jazz. Local artist Aida Shagasimi opens the show. Tickets for Kieran Alualia can be found at the Cedar Cultural website. Visit thecedar.org for more details. Et voilà, voilà. Et voilà. Voilà, we're back and we listened to three more funny songs. Yeah, they were funny. Yeah, which were they? Richard Gottener sang two songs, le Sampa, which is a dance. And le Yuki, which is a dog. Yeah, but the Sampa is a dance that he made up. Yeah, yeah, it's completely made up. And then after that, it was Jean Dujardin with Yellow from Brise de Nice. Casse, casse, casse. Yes. And we're going to keep on going. We have more songs for you. So the first one we're going to listen to is one that I usually keep in for the winter, but I didn't play it. C'est Fatal Bazooka. Ah oui, Metakagoul. Futakagoul. Futakagoul. And, ouais, c'est ça. Yeah. C'est plus classe en fait. Oh, c'est pas foutre un cagole, hein, ça n'a rien à voir. Non. Bah, foutons cangole. Cangole, ça c'est moi. Parce que ça c'est pour toi. And so une cagoule is like a winter hat, but you just like have the face. A mask, like a... Yeah, like a ski mask. A ski mask, but yes. You just have the face showing. And yeah, and usually... Barely. I was wearing that when I was a kid, and they were made of wool, and they were very, like, you know, itchy. And they were itchy, but also when you were moving it, you had so much static. Yeah, you had, like, your hair. And plus, in the 80s, we had longer hair. Yeah. And the, you know, those, like, and balloons would actually stick to you. The what? Of they would stick to you, balloons, because of that static thing. You know, you could have balloons, you know, stick to your... Oh, I see. Yeah. I see what you mean. Yeah. Yeah. No, I didn't do the balloon things. Yeah, me neither, but I'm just, you know, just trying saying, to imagine. Yeah. And then we're going to listen to Les Inconnus, a song that I played like in the new wave, but... No way. It's Isabelle has Les Yeux Bleus. Yeah. All right. Isabelle has Huge blue classic. Eyes. Yeah. And it was a song that was meant to be a parody of, you know, songs like by Partenaire Particulier or Indochine. New wave very exciting to play some guitar and they suck. And, you know, I mean, the rhymes are terrible. And, I mean, that was the goal. And then we're going to listen to Lagaffe, where Lagaffe was a stand-up. Vincent. And, And le lavabo. Yep, he was. He had like a bet saying like I can make a hit, and he did with his song Beau le lavabo. Yeah. And in that song, he's explaining how he made it. Like you get these lyrics and the music, and so Beau lavabo. Beau means like pretty, you know, sink. Yeah. And so I mean, it's just because sink. That rhymes, you know. Yeah, yeah. Il est laid le bidet. The bidet is ugly. Yeah, yeah. It so rhymes. That's it's okay. One of the most profound songs of the, you know, of the, that decade. Yeah, we're not going to make you think too much tonight. No. All right, on y va. C'est parti. Ouais, gros. Ouais, gros. C'est Fatal Bazooka. Fatal Bazooka. Quand c'est l'hiver, quand ça fait froid, qu'une chose à faire, gars. Écoute ça. Représente le hardcore des montagnes en direct de la Savoie. Savoie. Non, ça va pas, mec, c'est le bonheur, on gèle les grelots. Bordel, et fait plus froid dans ton frigo. Un pied dehors direct, c'est la pharyngée. La mort venait, les microbes, tu s'agites. Alors écoute, avant qu'il sera trop tard, avant que tu seras tout dur comme un surgelé picard. On n'est pas venu pour jouer les papas poules. Mais un conseil, mon gars, fous ta cagoule. Fous ta cagoule, fous ta cagoule. Ou t'auras froid, t'auras les coups, t'auras les boules. T'auras les boules. Fous ta cagoule, ouais, fous ta cagoule. La chair de poule, le nez qui coule. Aussi profanation funky en direct des quartiers de Marseille. Dans ma ville, on crève des gains. Fracasse les extras sur un stylo, les rats frères en même temps, toujours fromé. Quatre bandes, face à 90 dans la légende. Mâche du cagnard. Ici on joue au foot et pas au hall. Frais chemin, serre les dents comme Yves Montain. Qui repousse le pouce-pouce du mitral dans le vent. On est au Mars, représente la cagoule. Sans un franc, 5 francs 32 qui nous font ça. Eh mais oh, mais t'es au courant qu'on comprend rien à ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il y a, tu m'engraines? Non mais c'est pas ça, mais on a un message précis, tu vois, c'est... Fous ta cagoule, fous ta cagoule. Ou t'auras froid, t'auras les coups, t'auras les boules. T'auras les boules. Fous ta cagoule, ouais, fous ta cagoule. La chair de poule, le nez qui coule, fous ta cagoule. Fous ta cagoule, fous ta cagoule. Tu n'as reçu de l'Est à l'Ouest, même à vos sous. Même à vos sous. Fous ta cagoule, ouais, fous ta cagoule. Ce fuck est boule, ce fuck est boule, ce fuck est boule, ce fuck est boule. Je voudrais jeter un slam pour cette maladie qui l'hiver l'anus mérite. Un virus venu du froid qu'on appelle gastro-entérite. La prochaine fois, je mettrai ma cagoule. Je mettrai ma cagoule sur le pour pas me geler les espèce de fils de qu'est-ce qu'il faut que je foute? Ça fait 15 fois que je te le dis pour foutre ta cagoule. Mais qu'est-ce que tu t'es en train de dans ma cagoule? Elle me gratte comme un frotti dans la ch*** à ta mère. Elle me donne de l'héritage, j'ai les qui saignent. J'aurais pu dire foutre ton bonnet, mais c'est moins cool que ce putain de slogan foutre ta cagoule. Foutre ta cagoule, foutre ta cagoule. Ouais, c'est le bas situation douloureuse. Faut-il qu'il coule, faut-il qu'il coule. Bandi Panda ainsi que Pitbull de Flipper. Faut-il qu'il coule, ouais, faut-il qu'il coule. Coup de couteau dans la glotte et bien sûr canon à neige bang bang. Faut-il qu'il coule, faut-il qu'il coule. Allez. Isabelle, lorsque je t'ai rencontrée pour la première fois, tu avais les yeux bleus. Et lorsque tu m'as quittée, tu avais toujours les yeux bleus. Bah, c'est normal. Sur quai de la gare, j'ai voulu la rattraper. C'était trop tard, son avion venait juste de décoller. Oh les mecs, je viens de trouver un accord à la guitare complètement monstrueux. Vas-y, vas-y, écoutez. Monstrueux. Tu vois, c'est pas compliqué, tu vois, tu mets le doigt là, tu ouais, vois, et après tu fais comme ça, regarde. Oh, c'est monstrueux. Ouais. Oh là là, c'est complètement d'enfer. L'éclat total, tu vois. Oh, je vais vous dire, les mecs, ça va être monstrueux. Chiche, on en fait. Hey, oh, hey, oh, hey, hey, oh, hey, oh. les paroles. Alors sur un an plus tard, tu gardes la même purée, tu fais une compilation. Oh, eh, oh, eh, oh, il est beau, il est laid, il est beau, il est laid, le lavabo, il est beau le bidet, il est laid, il est beau, il est beau le lavabo, il est laid le bidet. Oh, eh, oh, oh, oh, eh, eh, eh, oh, oh, il est beau, oh, il est laid. Et voilà, voilà. Et voili, voilou. À toi, yep. Adrien. Bah, j'ai dit voilou. On l'a dit en même temps. Yeah, you're back on Bonjour Minnesota, KFAR Radio. Mm-hmm. And a non-profit, listener-supported. And we just listened to three songs, to three funny songs. Yes. So, Fatal Bazooka with Futa Kagoul. And then, Les Inconnus with Isabelle à les yeux bleus. And just now was Lagaffe with Beau le lavabo. Voilà. And you could hear... At the end, the lavabo. Boucher. I think it was the bidet. Ah, voilà. Maybe that was the bidet. C'est des bulles. Yeah, maybe. So tonight was like a funny night song. And I thought maybe I was going to do something about May 1st. Because tomorrow is May Day. Nobody works tomorrow. No. And in France, mm-hmm. it's an official Labor Day holiday. And except for the Champions League. Because Paris is gonna play, is gonna play Dortmund. Maybe they're paid, you know, like double for that day. You know, I am not worried about Mbappe's salary on May 1st. I think he's gonna be okay. And the Germans are, yeah. I mean, I don't know if they celebrate May Day. Maybe they don't celebrate the November 11th. That's for sure. Mm-hmm. And they don't celebrate May 8th either. Well, no. yeah, that's different. But yeah, so Paris is going to play Dortmund tomorrow at 2:00 Central Time, and it's on Paramount Plus for those who stream. For those who don't, I don't know because I don't have cable. So you're on your own. Just look it up online. But it's the first leg of the semifinals, so that's important. It's not the final. I mean, like next week on Tuesday will be the second leg, so that's going to be critical. Because you need two legs. Yes, you need two legs to walk and run, and for the quarterfinals, you know, like Paris was behind on with one goal against Barcelona, and they went to Barcelona and boom, four goals. They needed to score one, and they got behind with one goal, and they needed to score two, and they score four. Yeah, here we go. I think the red card for the opposite team helped, and the penalty kick as well. But, get those points. Yeah, all right. that's it. That's the way it is. All right. Should we listen to more music? Ah, oui. We're going to listen to Philippe Catherine with Luxor J'adore. Ah, good song. That's a funny song. Yes. Then we're going to listen to Marie Renaud, and she's on YouTube. Okay. And she's doing a lot of parodies and stuff like that. So Inconnue au bataillon. It's because you're Elle est nouvelle? Watching YouTube. I mean, she's mid-20s, 30s maybe. Yeah. Okay. Oh, cool. And she has a song called Waxing. Ah. Epilation. Yeah. Epilation. Mm-hmm. Marie Renaud. Très bien. I mean, that's a little bit like Guédré. Renaud like the town. In that same genre. Yeah. Guédré. Yeah, Guédry, yeah. Oligo-gate, a little bit. Ah, okay, oui, je vois. Because it's often parodies about the news and stuff like that. So, and I think she got more popular with COVID. Okay. Like in 2020, where, you know, people had more time to look at YouTube. So, cool. She's singing a song that we can relate to because the name of the song is Il est où le printemps? Where is spring? And she's complaining. She said, like, we should be on the patio. Il est où le printemps? Il est où? Christophe, on sort de ce corps. And then we're going to listen to Trio with Désolé pour hier soir. Right. Sorry for last night. Désolé pour hier soir. No. No, no. Si, si. Well, that's okay. I mean, we're not Et doing... Et j'ai fini à l'envers. That's better. And yeah, it's the next morning, morning around like 3 p.m. Yes. When he wakes up with a headache. Yeah. All right. All right. On y va. Thank you. J'adore. Regardez danser les gens, j'y retourne souvent au bar du Luxor. Regardez danser les gens, j'adore, j'adore, j'adore, j'adore, j'adore, j'adore. Les institutrices, péricultrices, administratrices, dessinatrices, les boulangers, les camionneurs, les policiers, les agriculteurs, les ménagères, les infirmières, les conseillères d'orientation, les chirurgiens, les mécaniciens, les chômeurs, j'adore. Regardez danser les gens, et de temps en temps, je coupe le son. Et je remets le son. Je coupe le son. Je remets le son. Et je recoupe le son. Et attention. Je remets le son. Encerclé, et là je me sens en danger. Alors je leur dis prenez-moi, faites de moi n'importe quoi. Pendez-moi la tête en bas comme la dernière fois. J'adore. Regardez danser les gens. Ah, je trouve ça fascinant. Au bar du Luxor. Regardez danser les gens. J'adore, j'adore, j'adore, j'adore, j'adore, j'adore. Et je coupe le son. Et je remets le son. Et je recoupe le son. Je remets le son. Thank you. Elle m'a dit que c'était le printemps aujourd'hui, mais hier il a neigé toute la nuit. Les petits oiseaux devraient chanter et faire leur nid, mais je n'entends pas les cuicuis de l'alouette et de la pie. On voudrait se poser en terrasse et bronzer, mais on est tout gelé devant la cheminée. Y'en a marre du vin chaud, on veut des mojitos, des apéros sur la pelouse, mais dehors il fait moins 12. Il est où le printemps? Il est où le printemps? Il a disparu comme les ours blancs. Que de la raclette, qu'on se baladera tranquille en sandalette, cueillir du muguet, faire de jolis bouquets, manger des fruits de saison, chasser les papillons. Si on arrête de niquer la planète comme des bâtards, je rangerai mes grandes chaussettes et mon timbre à phare. Si je reste encore en doudoune dans le froid et la bise, je vais me tailler les veines avec mon grattoir à pare-brise. Il est où le printemps? Ouais, il est où le bâtard? Il est où le printemps? Il a disparu. Les gens qui les éléphants, les petites fleurs des champs et les ours blancs. Bonjour, mieux vaut tard que jamais. Le printemps est arrivé au début du mois de mai. Les abeilles butinaient jusqu'à en perdre haleine, emportant avec elles des petits grains de pollen. Maintenant j'ai la gorge qui gratte et les yeux qui pleurent. Printemps, tu n'es vraiment qu'une saison de malheur. Et si c'est pour empiéter sur l'été, tu peux bien rester dans ton trou avec tes acariens. Il est où le printemps? Il est où le printemps? Matin 15h, je me réveille comme une fleur. Marguerite dans le macadam a besoin d'un Doliprane. Réveil matin 15h, je me réveille comme une fleur. Ça les gars, bien dormi? Pas de réponse, tant pis. Putain les gars, abusé, qui c'est qui a fini le café là? Oh ça va, tu vas pas nous gonfler. Qu'est-ce qu'il y a Guy, t'as quelque chose à me dire? Bah hier t'étais pas bourré. Ouais, t'étais pire. Oh, prise de conscience, 16h, je fais mine d'aller me coucher. Je mets les mains dans les poches, refile le cours de ma soirée. Les tickets de carte bleue, quelques tickets de caisse me font remonter le temps. Oh putain merde, ma caisse! Ta Ferrari n'est pas là, tu ne l'as pas prise avec toi. T'as dû la laisser au milieu du parking du Macumba. J'ai la mémoire qui flanche et les yeux rouges. Et en plus, surprise, dans ton lit ça bouge. Sur Skoolaman, t'as été un homme. T'as ramené croisé Jackie Sardou et d'un Pokémon. T'as du style et mon frère. Quand tu vois Dope, tu ramènes de la bombe nucléaire. Désolé pour hier soir d'avoir fini à l'envers. La tête dans le cul, cul dans le brouillard. Les gars, désolé pour hier. Désolé pour hier soir d'avoir fini à l'envers. Promis demain, j'arrête de boire. Hier, c'était la dernière. Bon ben, salut, on s'appelle? Fille remercier 17h, je provoque une assemblée. J'ai des relents de gin, de vodka, de cahier, de saké. T'as l'œil qui part en vrille. Y'a des coins dans vos sourires, on me cache quelque chose. Qu'ai-je pu bien faire de pire? Fallait mani mani mani et mieux la nuit, man. Arrête l'alcool, tu deviens grave. Fallait mani mani mani et mieux la nuit, man. Arrête l'alcool, tu deviens grave. Mais je sais pas, rappelez-moi, je me souviens pas, les gars. Bah, t'étais grave, hein. T'as pété ton câble. Souviens-toi. Eh oh, t'es monté sur le chapiteau, accroché au cordage, t'as failli t'aplatir comme un blaireau. Eh oh, tu voulais pas redescendre. Quitte à vivre en hauteur, c'est mieux que de se pendre. Désolé pour hier soir d'avoir fini à l'envers. La tête dans le cul. prêt pour de nouvelles résolutions. Un esprit de sainteté dans un super corps de champion. Me voilà donc prêt, je me colle devant la télé. Soupe de légumes, bol de thé et qu'on me foute la paix. C'est fou qu'on puisse à ce point être mal le lendemain. Dans son canapé, dans ton canapé, on est bien. À quoi bon sortir, se foutre la guerre? Plus jamais, je vous jure, plus jamais comme hier. Allez, on va se taper l'apéro. Eh oh, eh oh. Allez, Manu, Manu, bouge tes fesses. T'as promis à Titi, il faut tenir ses promesses. Ben, désolé pour ce soir, si je finis à l'envers. Mali, on se retrouve au comptoir. Titi fête son anniversaire. Et désolé pour ce soir, si je finis à l'envers. Après celle-là, j'arrête de boire. Laissez-moi juste la dernière. Désolé. Allez, Manu, Manu, Manu, et de la nuit, man. Arrête l'alcool, tu deviens. Et voilà, voilà. Well, I think that we're going to be done for tonight. We have 5 more minutes and I have a 4-minute song, so we're just going to say goodbye. Perfect. Voilà. Bonne soirée, bonne nuit, and thank you for listening. Yeah, waiting for Balkan Jamboree. And we'll be live we'll be next week, yes. Same time. Yeah. We'll be back with some songs in French and with a different theme and maybe no theme. Huh. Yeah. Maybe just some songs that we got from new artist or old artist or different average artist. No, I they're mean, always good. Yeah, no, I'm talking about their age. Oh, average age. Well, we don't talk about their middle age. Okay. Middle age artists. Why not? Why not? Yeah, it is the United States, you know, Liberty. Yeah. So we're going to listen to Ricoon with Un Petit Ricard dans un verre à ballon. Ah, voilà, ça c'est bon. It's Adrienne. C'est la chanson du Sud, ça. Pastis, it's very famous in the South. Là, on va rigoler, là. All right, on y va. C'est parti, au revoir. À la semaine prochaine. Bonne soirée. Dans le bar, il était midi moins le quart. Je me suis assis au comptoir. J'ai commandé un petit Ricard. Tous les clients m'ont regardé. Ils m'ont pris pour un Marseillais. J'ai sorti un billet de 5 francs. Ils se sont moqués de mon accent. Je voudrais un petit Ricard dans un verre à ballon. Laissez-moi le consommer avec modération. On va pas se disputer pour payer l'addition. Je partirai pas sans moi la tournée du patron. Ça fait partie des coutumes et des traditions. Avant de rentrer à la maison, le Ricard sinon rien et je reviendrai demain. Pendant que le curé fait la messe, pendant qu'il s'occupe de nos gonzesses, nous, on fait la prière du matin. Donnez-nous notre Ricard quotidien. Il faut surtout pas oublier les olives et les petits salés. Demandez gentiment au patron de vous le servir avec un glaçon. Je voudrais un petit Ricard dans un verre à ballon. Laissez-moi le consommer avec modération. On va pas se disputer pour payer l'addition. Je partirai pas sans boire la tournée du patron. Ça fait partie des coutumes et des traditions.